cas pour moi, là, juste avant d'entendre ou de réfléchir un peu plus à la parole de Dieu. Et ce matin, le sujet, on va rester dans le thème de la grâce, hein, puisque Jacques et Glenn ont commencé un thème sur ça, donc je vais continuer sur ce sujet-là. Mais en réalité, je ne vais pas continuer moi, c'est « on va ensemble continuer ». Donc, il y a une nouvelle mode qui existe depuis quelques années sur Internet qui s'appelle le Web 2.0. À part les jeunes, là, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi? Oui, on pourrait y mettre les réseaux sociaux dans le Web 2.0. En réalité, ce qui se passait quand l'Internet est arrivé, hein, dans les années 90, c'était de l'information, hein, c'était une page avec... Même au début, là, il n'y avait même pas de, photo, c'était juste du texte. Et puis, on allait chercher de l'information. Après ça, les compagnies nous ont permis de pouvoir acheter des choses et puis avoir, faire certaines acquisitions. Et puis, tranquillement, les compagnies nous ont donné le droit de commenter le contenu qu'il y avait sur le web. Donc, on a fait ce qu'on a appelé, on a passé, en fin de compte, d'un web qui était consultatif à un web collaboratif. Donc, et on a créé ce qu'on appelle les blogs. Hein? Donc, les blogs, ce sont des sites web d'individus ou de compagnies, ou peu importe, où on peut participer au contenu. Donc, quelqu'un va y mettre un article ou y mettre, peu importe, l'information qu'il voudra, et les lecteurs peuvent commenter, donner des commentaires, dire peu importe qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, ce matin, on va utiliser cette méthode-là. Ça vous tente-tu? Pas sûr. Tout le monde sort son portant. On va texter. On va tweeter. Donc, à la place de le faire sur Internet, on va le faire ensemble. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est je vais partager quelques idées que j'ai sur un texte qui parle de la grâce. La raison pour laquelle je vais utiliser le mode blog ou le mode plus collaboratif, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je ne crois pas avoir tout compris, ni avoir compris ce texte-là. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que je crois que la parole de Dieu prend toute sa richesse communautairement. L'interprétation de la parole est beaucoup plus riche si on le fait ensemble. Donc, à la place que moi, je me plante chez moi pendant 20 heures, 40 heures à essayer de comprendre un texte, à lire tout ce qui existe et à synthétiser tout ça, puis après ça, de vous régurgiter tout ce que j'ai mâché pendant le dernier mois, bien, je me suis dit, je ne vais pas volontairement répondre à certaines questions que je me pose en rapport au texte. Et ensemble, ben, je vais vous balancer les questions, puis on va y répondre ensemble. Mais il y a des questions que ce n'est pas nécessaire qu'on réponde, OK? Parce qu'on ne sortira pas d'ici, OK? Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on réponde à toutes les questions que je vais lancer là, mais l'objectif, c'est vraiment de discuter. Donc, il y a un micro là, il y a un micro... Il est où l'autre? Il est ici. Puis, il y en a un autre devant, OK? La raison pour laquelle j'aimerais ça que vous preniez les micros, c'est parce que c'est enregistré qu'on veut le mettre sur notre blog. OK? Correct. Donc, le texte ce matin, c'est Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Je vais vous lire ça. Je vais-tu vous lire ça? Y a-t-il quelqu'un qui a une Bible? Moi, puis la lecture... Autrefois, vous étiez spirituellement mort à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, vous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, il est le don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a portés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est un texte qui est riche. Si on se met à y réfléchir, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Il n'y a pas si longtemps, quand je lisais ce texte-là, il y a beaucoup de questions qui me venaient et beaucoup de questions qui étaient auto-répondues par le milieu duquel je venais, par le fait que, bon, c'était quelque chose qui était naturel. On avait déjà répondu à la plupart de ces questions-là avant même que je lise le texte. Donc, les questions ne venaient pas. Là, je me suis forcé à prendre le texte autrement, puis à poser d'autres questions. Si j'avais répondu à toutes les questions que je me suis posées, bien, on ne pourrait pas dialoguer ensemble sur ça, et je vous balancerais simplement tout ce que j'ai trouvé, mais je n'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble. Quelques questions que je me suis posées. Ça veut dire quoi, nous étions morts à cause de nos fautes ou de nos péchés? C'est quoi ça, être mort? C'est quoi les fautes, les péchés? Quelles sont les puissances mauvaises dont il parle? Ça veut dire quoi, être rebelle à Dieu? Nous vivions selon nos désirs d'hommes et de femmes livrés à eux-mêmes. Ça veut dire quoi, se livrer à eux-mêmes? Comment est-ce que je peux faire ça? Quel genre d'action est-ce que ça implique de vivre en tant qu'homme livré à moi-même? Puis là, le verset 4, le ton change. Il y a un « mais ». Il y a un « mais » qui est là, qui vient faire un contraste entre l'état avant et l'état maintenant. Dieu est riche en bonté et son amour nous... Dieu est riche en bonté et son amour pour nous est immense. Alors, il nous a fait revivre et nous a sauvés par sa grâce. Ça, ce texte-là vient donner le cadre dans lequel on fait de l'évangélisation. Quand on faisait... L'évangélisation, je l'ai faite avec Évangélisation Explosive, je l'ai faite avec les soupers Alpha, je l'ai faite avec les navigateurs, je l'ai faite avec, comment ça s'appelait l'autre affaire, c'était construire des ponts, je me souviens plus, en tout cas, peu importe. Il y a toutes sortes de méthodes d'évangélisation et tournent tous autour de la même chose et c'est exactement le concept là, qui est dans cette péricope-là. Okay? La première chose à faire, tiens, je vais prendre des laines. OK? Viens, Hélène. Elle n'est pas au courant, là, hein? Vous en faites pas. C'est tout le temps de même, ça marche avec moi. Ici, ouais, juste là, ici, ouais, c'est mieux d'être à côté. C'est pas faux, jamais s'asseoir en avant. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, la première chose hein, qu'on fait, c'est on explique à la personne son état. Hein? Tu sais que tu vas mourir en enfer. Quelque chose dans le genre. Peu importe, peut-être pas aussi d'être drastique comme ça. Hein? Dans la méthode d'évangélisation explosive, c'est quelque chose du genre, dis-moi, si tu devais mourir aujourd'hui, où est-ce que tu irais? Au paradis. Bon, dans son cas, elle répond au paradis. Donc, pour nous, une bonne réponse. OK? Bravo! Bon, pour un néophyte non instruit ou quelqu'un qui ne fréquente pas l'Église ou... appelez-les comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un chercheur de Dieu qui cherche encore des réponses que je n'ai pas trouvées. Il répondrait quelque chose du genre, si tu es un Québécois catholique romain normal, là, hein, tu vas répondre quelque chose du genre le paradis. C'est normal. Mais pourquoi? Hein? Ça, c'est la deuxième réponse. On va poser la question, pourquoi tu irais là? Hein? Pourquoi? Ah, c'est pas, ah, c'est pas quelle réponse que je veux. Non, mais c'est simplement la grâce de Dieu. C'est ça. C'est pas du tout ce que je fais ou ce que je suis. Elle a écouté le texte ce matin. Donc, grosso modo, ça serait une bonne réponse. Ou bien non, on aurait la réponse, bien, parce que je ne suis pas un mauvais, hein, je n'ai pas tué personne, je ne suis pas si mauvais que ça, en fin de compte. Je fais mon possible dans la vie, je fais ma job comme du monde, mon boss me garde, hein, donc je ne dois pas être un mauvais employé, et ainsi de suite. Hein, je n'ai pas battu mes enfants et blablabla, ainsi de suite. Donc, une liste longue de même de choses que je n'ai pas faites qui mériteraient d'aller en enfer. Puis là, nous autres, on prendrait ce temps pour expliquer que, de toute façon, dans sa condition, la condition actuelle, c'est la malédiction. Hein? Bon, merci, Hélène. Donc, ça, c'est le modèle qu'on a dans le texte qui vient de nous lire, qu'on vient de lire. OK? La difficulté aujourd'hui, dans un texte comme celui-là, ou dans une méthode comme ça, c'est que, un, on n'est pas porteur de bonnes nouvelles. Parce que si, à la fin de la conversation, elle n'accepte pas, hein, comment on disait dans le temps, elle ne se convertit pas, hein, elle n'accepte pas Jésus dans son cœur. Toutes des belles phrases extraordinaires, quelqu'un m'a déjà posé la question. Ça veut, comment tu fais ça, accepter Jésus dans ton cœur? Ça veut dire quoi, ça? Puis, j'avais aucune idée quoi répondre. Mais, hein, tout ça, si elle n'accepte pas le message... Je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles, je suis un porteur de mauvaises nouvelles. Parce que là, maintenant, elle va être consciente que son avenir, c'est l'enfer. Hein? Et qui ici a vraiment réussi à être un bon porteur de bonnes nouvelles? Je ne l'ai pas réussi souvent. L'objectif où je veux en venir, là, c'est simplement de dire, OK, on a amené toutes sortes de manières d'apporter la grâce aux gens. Et la manière qu'on avait, c'était de prendre ce modèle-là, de dire, bien, avant d'apporter la grâce, il faut que tu sois dans une condition de disgrâce. Il faut que tu sois dans une mauvaise condition. Il faut que tu prennes conscience de ta mauvaise condition pour que je puisse t'expliquer dans quelles conditions tu devrais être. C'est ce que Paul fait. Paul le fait dans un contexte très particulier où les gens de son temps acceptent ce genre de langage-là. Si on fait ça aujourd'hui, les gens ne l'acceptent pas. Hein? De toute façon, ils ne peuvent pas être sauvés, ils ne sont pas perdus. Hein? Et ils ne peuvent pas manquer le but, ils en ont un but, faire de l'argent, puis ça marche pour beaucoup d'entre eux. Et même pour ceux qu'on pense que ça ne marche pas, pour eux, ça marche. Hein? Donc, le but, peu importe quel il est, il ne passe pas à côté, ça ne dérange pas. Pécher, on ne fait pas ça aujourd'hui. Donc, je ne peux pas utiliser cette méthode-là pour dire tu étais dans cet état et tu devrais être dans celle-là, et Dieu a pourvu un moyen de te faire passer à l'autre état. Hein, on avait ces beaux petits dessins-là, hein, il y avait un fossé, hein, puis là, on disait bien là, toi, tu es en face, tu es du mauvais côté du fossé. Hein, il y a un canyon, même si ce n'est même pas un fossé. C'est un canyon, c'est impossible à traverser. Hein, et tu es du mauvais côté du canyon. Et là, Jésus, hein, a mis sa croix. Hein, et là, il peut faire un pont par sa croix entre toi, le mauvais côté du canyon, et le bon côté du canyon, et tu dois passer par la croix pour traverser de l'autre côté du canyon. Aujourd'hui, on n'est pas dans un paradigme comme ça. Le canyon n'existe pas. Il n'est pas là. On ne peut pas faire ce genre de choses-là. Donc, à la place, on peut capitaliser sur les choses que les gens font, les bonnes choses que les gens font, les œuvres préparées d'avance. S'ils sont préparés d'avance, bien, c'est qu'ils sont là. Hein? Émerence, ce matin, a nous emmené des beignets. Elle les a préparés avant. Hein? Et nous autres, on a pu en profiter quand tu es arrivé avec. Ça, c'est la grâce. C'est le fait que ben, ça a été préparé à l'avance. Elle, elle le savait, certainement que son mari aussi, puis il doit en avoir mangé avant d'arriver ici pour s'assurer de nous en laisser. Donc, c'est ça, de préparer quelque chose d'avance. Donc, on peut simplement en profiter. Maintenant, est-ce que ces œuvres préparées d'avance-là nous appartiennent à nous seuls? Nous, j'entends par ceux, nous, j'aime pas ça dire ça, mais genre ceux qui sont sauvés. Hein? Nous, les chrétiens qui s'assoient ici à tous les dimanches ou dans n'importe quelle salle de culte à tous les dimanches sur la planète. Est-ce que ces œuvres-là nous appartiennent seulement? Je n'ai pas la réponse, là. OK? On va la discuter ensemble. OK? Donc, de capitaliser sur les choses que les gens font de bien, mais pour ça, il faut d'abord avoir une relation avec la personne. On ne peut pas faire ça avec le chauffeur de taxi. T'sais. La ride, elle dure rarement plus que 10 minutes. Donc, c'est compliqué là, de faire ça avec le chauffeur de taxi. Donc, il faut que ce soit quelqu'un que tu connais, un confrère de travail, un ami, un voisin, un parent. Hmm? Et il faut le connaître, il faut entrer en relation avec. Et en entrant en relation avec, là, on est en mesure de le connaître. Et donc, de l'encourager sur ce qu'il fait de bien et de prendre le temps de relever, d'élever ce qui est bien. Mais nous, ça, ça veut dire quoi pour nous, maintenant, qui sommes assis ici? C'est quoi les œuvres préparées d'avance? C'est une question qui me hante depuis quelques années. Est-ce que je peux ou pas entrer et faire ces œuvres-là? Quelles sont ces œuvres-là? Puis est-ce que je suis obligé de les faire? C'est une bonne question, hein? Je vais vous la poser, là. Réfléchissez-y parce que c'est une question qu'on se pose ensemble ce matin. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Qu'est-ce que la grâce implique? Si Dieu, dans son immense grâce, a prévu quelque chose pour moi qui inclut mon salut ou ma rédemption, ou un changement de condition, et qui a quelque chose qui est préparé d'avance, est-ce que je suis obligé, malgré que j'accepte toute la grâce en Christ, est-ce que je suis obligé d'aller là? Si je suis obligé, ça devient un peu de la tyrannie, où Dieu est comme un marionnettiste, puis je n'ai pas le choix. Est-ce que Dieu est un marionnettiste? Est-ce que Dieu est un tyran? Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai écrit mon affaire, je l'ai posté sur le blog, vous l'avez lu, et maintenant, la parole est à vous. Moi, je me tais. Mais on va interagir, hein? Donc, et je vous dis, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de mauvaise question, il n'y a pas de... Le texte m'interpelle, je ne sais pas s'il vous interpelle, je l'ai pris dans un angle particulier. J'aurais pu le prendre dans plein d'autres angles. Mais donc, je vous laisse réfléchir à ça. Oui, oui, oui, bien même si... oui, on va faire ça comme ça. Oui, certainement. La première question, c'est est-ce que les œuvres, on est obligé de les faire? Ça, c'est la question pour moi principale. Okay? Est-ce que les œuvres, on est obligé de les faire? Ça veut dire quoi? Nous étions morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Ça veut dire quoi être mort? Parce que moi, je ne me sens pas mort pantoute, là, même avant. Quelles sont les puissances? Je ne suis pas sûr que j'ai envie de répondre à cette question-là aujourd'hui parce qu'on peut partir là, sur une tangente extraordinaire. Hein? Mais si ça vous tente d'aller là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi être rebelle à Dieu? Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à nous-mêmes. Ça veut dire quoi être livré à soi-même? C'est quoi les actions que ça implique quand on est livré à nous-mêmes? Et qu'est-ce que ça implique, la grâce? Il n'y a pas d'ordre. La beauté d'un blog, c'est que chacun prend ce qu'il veut puis donne ce qu'il a envie. Donc, il n'y a aucun ordre établi. Maryse. La question de notre nature propre ou notre nature d'homme et de femme livrée à nous-mêmes, pour moi, ça ressemble à n'avoir que soi, soi-même comme source et comme fin. Ne vivre que par soi-même et pour soi-même. Pas par méchanceté, mais parce que c'est comme ça, c'est tout. Ah, ok, là oui. Alors, quand je lis la phrase « Pour vous, vous étiez mort par vos fautes et par vos péchés », c'est plus une question que... Qu'est-ce que ça veut dire? La question, en fait, je pense que tu l'as amenée. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être mort par ses fautes? Parce que tantôt, tu disais, tu te sentais pas mort avant de, mettons, de centrer ta vie sur Dieu. Tu te sentais pas mort. Mm. Donc, on dirait que ce que la Bible fait, c'est de déclarer quelque chose que même si on le sentait pas, c'était un fait. C'est que, bon, en tout cas, c'est de même que je pense que je le vois, en tout cas. C'est que même si je me sentais bien vivante, j'avais des projets dans ma vie avant d'avoir une réflexion sur Dieu. J'avais plein de projets. Je voulais me marier, avoir des enfants, avoir un métier. Je voulais faire des bonnes choses aussi, là. Je voulais me promener dans le monde, en tout cas. Mais je me dis, malgré tout, la Bible dit que j'étais mort par mes fautes. Et fait que, je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres commentaires à faire là-dessus, mais je serais curieuse d'entendre qu'est-ce que ça veut dire au juste. Est-ce que c'est vraiment toutes les choses que je faisais? Est-ce que c'était des œuvres que je faisais de pas bien, là, tu sais, des choses qui me manquaient? Ou si c'était un état que j'avais devant Dieu, qui était juste un fait? J'étais morte par mes fautes. Mais ça m'a toujours questionnée beaucoup, ça. Ça a l'air simple parce qu'on a toujours eu des réponses très, très, qui nous ont été données, là, hein? C'est pour ça que je soulève la question. Tu étais morte, tu as commis des péchés, ça t'a amené loin de Dieu, mais est-ce que c'est quand j'ai commis mes fautes? Est-ce que, bon, fait qu'on peut élaborer là-dessus, mais en tout cas, moi, c'est une de mes questions. Fait que Michel, il a l'air à te trouver bonne. C'est excellent. Mais c'est ça l'avantage de la discussion, du dialogue, hein? Moi, je ne suis pas là pour répondre. C'est communautairement qu'on fait ça. Donc, À mon tour? Ah oui, vas-y. Ben, moi, c'est ça. Il y a effectivement tout ce qu'on a reçu comme enseignement, hein, de la part de l'Église, en particulier dans les années 90. Hein. Voici comment on doit penser. Alors, il faut essayer d'éliminer un peu toute cette culture-là de notre esprit. Parce que même si je me pose la question aujourd'hui, est-ce que quand je lis le texte, je dirais quelque part, avec ce que Maryse a dit tantôt, moi, je me sens à la limite comme quand j'étais mort. Je veux dire, 90% du temps, de tout ce que je fais, hein, je le fais en vase clos dans ma tête, je consulte pas Dieu à tout bout de champ, mais ça, il y a cette pensée chrétienne évangélique aussi là, qu'on a eue pendant tellement longtemps. Mais il reste qu'aujourd'hui, je dirais, 90% du temps, moi, je fais sans Dieu selon notre pensée. Là. Ah, c'est-tu clair? Oui. Oui, alors, ouais, ça peut être ma dysphasie aussi, hein. C'est quoi, tu veux dire que je répète? Je suis pas très bon à me citer, hein. Mais c'est ça. Puis, tu sais, si quelqu'un, tu sais, je pense à quelqu'un qui serait universaliste, hein, donc nous sommes tous sauvés, quel que soit. Alors, il y en a qui pensent vraiment qu'il n'y a plus vraiment d'enfer aujourd'hui, là. Alors, une personne, comme quand tu as posé la question à notre ami, tu sais, il y a l'enfer, il n'y a pas l'enfer. Puis la personne qui ne croit pas dans l'enfer, supposons qu'on croit à l'enfer, le paradis, souvent les gens ne le croient même pas à l'enfer. Alors bon, il y a un processus intellectuel, émotionnel, hein, il y a les deux, hein, puis intellectuel, c'est pas évident tout résoudre ça aussi. D'accord. Alphonse? Ça sera pas long. Moi, c'est plutôt la première phrase. Vas-y, Alphonse. Ouais. La première phrase qui dit « Autrefois, vous étiez spirituellement mort à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » Quand je suis en train de lire ce passage, je regarde, je me dis, Paul, en écrivant ce passage, d'abord, il s'est mesuré lui-même par rapport à ce qu'il était. Parce que la mort spirituelle, là, c'est une mort vraiment certaine. Parce que lui-même, quand il s'est mesuré de ce qu'il faisait, des fois, à face de la parole de Dieu, il trouvait qu'il était déjà mort. Pourquoi? Parce que même dans le cœur de beaucoup de gens, il avait déjà condamné, compte tenu de ses actes. Les gens tels que de Paul là sont des gens qui commettaient des actes sans cœur. Des fois, quand nous parlons du péché là, par rapport à nous qui avons déjà goûté à la parole de Dieu, ce n'est pas aussi plus grave que les actes que les gens tels que Paul posaient. Parce que les gens tels que les Paul là, ils n'avaient pas le cœur quand ils se mettaient à tuer ou quand ils mettaient dans leur cœur de faire du mal. Alors en face de la parole de Dieu, ils se voyaient déjà qu'ils n'existaient pas. Parce que dans le cœur de beaucoup de gens, il était déjà condamné à mort. C'est pourquoi je me dis, dans nos comportements de foi, nous devons éviter certains actes qui font que dans l'entourage, dans le milieu où on vit, la plupart peuvent déjà nous condamner à mort. On vit vraiment sur le plan spirituel, on est déjà mort. Mais le corps est là, mais vous n'êtes pas même à la face de l'environnement, vous n'avez aucune considération. Il y a un passage que je lisais dans un livre qui disait c'est le spirituel qui crée le matériel. Ben, si le spirituel est déjà mort, la mort matérielle est déjà certaine. Voilà ce que je voulais partager. Merci. Vas-y. Mais moi, ça me touchait beaucoup ce que tu as dit, que même avant que tu sois sauvé, tu te sentais vivant. Oui, parce qu'on parle de la mort spirituelle, puis moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur, c'est là que j'ai réalisé que j'étais morte, que je vivais, parce que la parole avait un sens pour moi, je vivais. Et puis un mort, il ne sait pas qu'il est mort. Moi, pour moi, je ne savais pas que j'étais morte. C'est vraiment quand la parole s'est révélée, parce que Dieu se révèle par la parole. Puis moi, je crois profondément qu'on ne sait pas qu'on est mort avant que le Seigneur se révèle à nous, avant que la parole vive en nous. Que moi, ça m'avait touchée. Moi aussi, je me sentais bien vivante. Mais là, on parle de la mort spirituelle. Que c'est ça, je voulais dire, moi, même si je cognerais après quelqu'un me dire « t'es mort ». Mais non, écoute, là, je suis bien vivante. Il ne sait pas qu'il est mort. Puis moi, je crois profondément que c'est simplement Dieu, par son esprit, se révéler. C'est sûr qu'il nous utilise parce qu'on est son œuvre. Que je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Mais un mort ne sait pas qu'il est mort. Mm-hmm. C'est quand tu vis, là, tu le sais que la personne est morte. Malgré qu'on pense qu'on est vivant. Okay. C'est tout. C'est le passage de la matrice à Sion. Hein? C'est pas toujours le fun dans Sion, hein? Pour ceux, les amateurs de Matrix. Martin, puis après, madame. Nicole. Alors, c'est ça, tu parlais d'obligation, mais j'avais parlé plutôt d'incitation. Puis c'est écrit, je pense, dans le passage, afin que nous les pratiquions, hein, si je me souviens bien. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Fait que le fait, je pense, de les pratiquer, ça nous donne, comme on va dire comme ça, comme enfant de Dieu, une crédibilité ou une pertinence. Hein? Et c'est ça qui devrait être notre motivation, nos motifs pour aller de l'avant de ce côté-là, sans avoir le fardeau d'une forme de devoir imposé ou d'obligation. Et puis c'est là aussi qu'à travers ce processus-là de s'intégrer, cette pensée-là, on devient je reprends le terme de Jacques, des apprenants de Dieu, des apprenants de Jésus-Christ. Et ça suscite à ce moment-là la curiosité, l'intérêt des gens. Ils disent, ah, c'est drôle, ils font ce type d'œuvre-là, ça m'attire, ça me questionne, ça m'interpelle, ça me confronte. Eh bien, je vais essayer d'entrer en relation avec cette personne-là pour voir pourquoi elle fait ça, comment ça se fait qu'elle a l'air si heureuse ou radieuse ou elle fait ça avec avec une attitude vraiment qui m'édifie, etc. Fait que je vais m'approcher de ces gens-là. Alors, quand on le fait comme ça avec des motifs de reconnaissance ou d'action de grâce ou poussé par, entre guillemets, son amour à travers nous, bien là, à ce moment-là, bien, c'est sûr que ça va faire poser des questions aux gens qui nous entourent. Puis à ce moment-là, bien, on est libre de tout devoir ou de toute obligation. Voilà. Donc, si je comprends bien, les œuvres sont c'est un dommage collatéral. Hein? On a reçu la grâce et grâce à cette grâce, on pratique quelque chose de mieux. C'est ça? quelque chose dans le genre? Okay. Nicole? Oui. Moi, je voulais intervenir sur trois points. Le premier, c'est sur la mort. Le deuxième, c'est sur la grâce. Et l'autre, c'est comment aborder les gens pour les amener, pour les parler de Dieu. La première chose pour la mort, on l'a dit, c'est on parle d'une mort spirituelle. Ça sous-entend que quand on le sait, on dit tout le monde et son péché ont privé de la gloire de Dieu. Il y a un verset qui dit « Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité ». Alors, cette mort-là dont Paul parle, pas seulement Paul qui a parlé de cette mort, mais Jésus-Christ, si lui, il est venu mourir sur la croix, hein, c'était pour nous remplacer, c'est comme nous réveiller de cette mort, et il a ressuscité. Alors, dans ce cas, est-ce que nous étions morts? Oui, nous étions morts, mais est-ce que nous avons fait des choses ayant l'iniquité et d'autres choses dans ce monde? C'est un héritage. Pour moi, c'est comme un héritage qu'on a eu. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait avec mes propres volontés, mais mes grands-parents l'ont fait. Et quand je parle de mes grands-parents, je parle d'Adam et Ève qui étaient péchés dans le jardin d'Éden. Et cette nature pécheresse que nous héritons et qui nous suivront jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et pour moi, après la mort de Jésus-Christ, on est détaché de cette nature parce que Jésus-Christ a pris notre place et il nous a libérés de ces choses. Pour moi, c'est ça la mort spirituelle. Okay. La deuxième chose maintenant sur la grâce. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de l'amour. Et l'amour de Dieu, un amour éternel, inconditionnel, qui j'ai rien fait pour avoir cet amour de Dieu. De la même façon, une mère ou un père, l'amour qu'il a pour ses enfants, regarde, que tu es un beau, gentil, intelligent, tes parents t'aiment beaucoup, aiment quand même, que tu es méchant, que tu es n'importe quoi, tes parents t'aiment quand même. C'est de la même façon, Dieu nous aime quand même, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, malgré nos péchés, malgré nos rébellions, malgré nos incompréhensions, malgré nos manques de discernement, il nous aime quand même. Alors, si Dieu nous aime autant, est-ce que ça sous-entend pour être sauvé, pour avoir cette grâce, je dois avoir de bons comportements? Non, mais en même temps, si j'aurai des bons comportements, je pense que ça augmente ma relation avec Dieu. Ce n'est pas une obligation. Oui, ce n'est pas une obligation sous la forme figurée, parce que Dieu ne m'a pas dit, tu vas être gentil, tu vas être ci pour avoir cette grâce que j'ai pour toi. Mais en même temps, si moi, j'accepte cette grâce, j'accepte cet amour, ça devient obligatoire, qui n'est pas obligatoire de marcher, de faire la volonté de Dieu. Alors, quand je parle à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je ne peux pas lui dire c'est obligatoire pour être sauvé, d'être gentil, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire X ou quoi que ce soit, mais je vais lui dire que Dieu vous aime malgré ce que vous ressentez en vous. Parce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'acceptation de Dieu, c'est juste de dire à Dieu, oui, je veux, j'accepte ton amour. C'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce que j'ai à faire pour avoir cette grâce. Je dois l'accepter. L'accepter, c'est dire oui, je le veux. Merci, Nicole. Bonjour. Moi, j'ai juste deux remarques à faire, de mon point de vue. La première, c'est sur, tout à l'heure, tu as parlé de la mort spirituelle où on ne se sentait pas. Moi, l'image qui m'a toujours poursuivi, c'est ce qu'on ressent quand on est assis pendant longtemps quelque part. On est assis dans un fauteuil, je crois que ça nous a tous arrivé. Le dimanche matin, surtout. immobile, et à un moment, notre pied s'engourdit. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, je crois. Hein. Le problème, c'est qu'on ne se rend jamais compte quand son pied s'engourdit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me suis jamais rendu compte quand mon pied est engourdi. C'est seulement quand je veux le bouger que je me rends compte que finalement, il est engourdi. Et à un moment, le problème, c'est que quand je commence à le bouger et qu'il s'est désengourdi, c'est à ce moment-là que ça devient douloureux. Et on se rend compte que finalement, ben, c'était finalement très, très désagréable le fait que c'est engourdi. Et quand on essaie de marcher, le pied fait mal parce que, etc. Donc moi, c'est un peu cette image que j'ai toujours eue de la nouvelle naissance. Avant, bon, il y a des choses qu'on ne savait pas, on ne s'en rendait même pas compte. Peut-être ça ne nous manquait même pas du tout. Mais quand la vie vient, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, ben, où est-ce qu'on était, comment on était. Et la deuxième remarque que moi je veux faire, c'est que cette parole-là sur les actes qui sont... Les œuvres que nous devions pratiquer. Moi, sincèrement, la première fois que j'ai lu ça, j'étais très angoissé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissé. Parce que ça voulait dire qu'il y avait des œuvres qui étaient préparées pour moi, personnellement, que je devais faire. Et si jamais je ne les faisais pas, ça allait mal se passer après où j'aurais... Jusqu'au bout, je ne sais pas, peut-être au jugement, on allait me fouetter en me disant, voilà, il y a des œuvres qui sont... Bah, voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on a dans les églises. Il y a un jugement, après, bon, on vous fouette parce que, etc. etc. Mais bon, pour moi, c'est angoissant c'est de savoir qu'il y a des œuvres qu'il faut que je fasse. Et ben, jour après jour, si je ne les fais pas, il y aura des conséquences pour moi, il y aura des conséquences pour les autres. Moi, je trouve ça un peu, cette pensée, un peu angoissante. Mais de notre côté, après avoir un peu vécu, moi, je me suis dit, bon, mais est-ce que il y a des choses que moi, si ces œuvres ont été faites, ont été préparées, je n'étais pas là quand elles étaient préparées. Je n'étais pas assisté à la préparation de ces œuvres-là. Donc, quelque part, moi, je n'ai pas de prise dessus. Je ne vais pas m'asseoir et puis deviner pour savoir, tiens, voilà, il y a 3000 ans, 5000 ans, 20 000 ans, tac, on avait décidé que moi, je ferais ceci. Je n'ai aucune prise dessus. La seule prise que j'ai, c'est à un moment donné d'avoir cette impulsion-là. Moi, j'appelle ça une impulsion par l'esprit, d'avoir cette impulsion que ce qui serait bien de faire, ça serait bien de le faire maintenant. Ça serait bien. Et à ce moment-là, je me dis, si je refuse à ce moment-là d'écouter cette voix intérieure, à ce moment-là, je suis redevable de ça. Voilà. Donc ces œuvres, moi, personnellement, je ne les perçois pas comme une liste de choses ou comme dès qu'on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il faut tout de suite lui parler. Sinon, après, c'est son âme qui sera sur notre, qui sera comptée sur nous, etc. etc. Ce n'est pas comme ça que je le perçois. Merci beaucoup. On va prendre Carmel et Manon. On va terminer là parce qu'il arrive moins quart. Vous voyez comment c'est intéressant. Je vais donner le micro à Carmel en premier. Puis après ça, je vais terminer avec un petit exemple. Et puis, ça va être ça. Puis après, bien, vous pourrez continuer à réagir sur le blog. Ouais. Vas-y, Carmel. Moi, je me demande, qu'est-ce que c'est faire les œuvres qui sont préparées d'avance? Ça veut toujours questionner. Tu sais, des fois, mettons, si je vois quelqu'un qui a un problème, j'essaie de l'aider. Mais est-ce que c'est vraiment ça, les œuvres préparées d'avance? En tout cas, je me pose des questions là-dessus. Merci. Moi, je trouve que des fois, on se complique bien gros la vie. Je pense que quand on a le Seigneur en nous, il va nous donner des impulsions, des désirs de faire des choses. Puis c'est bien spontané, puis ça va être dans notre vie de tous les jours. Puis on n'a pas à se prendre la tête, pas à se casser la tête, parce que qui les a préparés? C'est notre Père. Notre Père qui nous aime. Moi, si je veux préparer des choses pour Jean-Philippe, bien, je vais essayer que ça soit agréable, je vais essayer qu'il apprenne à travers ça, que ça lui fasse du bien. Tu sais, ça va être toutes des choses qui vont le faire grandir. Des fois, ça ne sera pas toujours facile parce qu'il va falloir qu'il fasse des sacrifices, mais je le sais qu'ultimement, ça va être pour son plus grand bien. Fait que je pense que... Puis s'il ne le fait pas une fois, là, parce que, bon, il est paresseux, puis ça ne tente pas, puis ci, puis ça, je vais l'aimer pareil, puis je vais y en préparer d'autres, puis il va avoir l'occasion de se reprendre. Fait que... Moi, je vois ça assez simplement quand même. Et puis, une autre chose, c'est que des fois, nous autres, il y a un verset qui m'a beaucoup marqué, moi, dans ma vie, c'est « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Puis, c'est pas parce qu'on pense que quelque chose est... que tu sais, qu'on a nos idées, même avant, là, tu sais, c'est pas parce que c'est ce que je le crois que c'est comme ça. Puis Dieu, bien, c'est lui qui a fait les lois, c'est lui qui a fait tout l'univers, puis... C'est pas parce que moi, je pense que c'est de même que ça marche, que c'est de même que ça va marcher. T'sais, des fois, mon gars, il dit « Hey, t'as l'affaire, mais ouais, mais est-ce que chez nous, c'est moi qui fais les lois, puis c'est de même, tu sais? » Fait que ça, c'est un verset que c'est important, je trouve, de garder en tête. Mais moi, pour moi, c'est pas compliqué. C'est excellent. Merci. Bérangère, viens ici. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, Bérangère, c'est ma fille. Bonjour. Bérangère. Est-ce que je t'aime? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour empêcher ça? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer ça? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour que je t'aime plus? Ta chambre? Réussir à l'école, faire tes devoirs, avoir un bon chum. Non. Je sais pas. Ça devrait être non aussi, la réponse. Si tu peux rien faire, s'il n'y a rien que tu peux faire pour que j'arrête de t'aimer, il devrait y avoir rien à faire pour que je t'aime davantage. Tu es d'accord? Oui. OK. La deuxième réponse, elle avait jamais eu la question. Donc, c'est la raison pourquoi. C'est la même affaire avec Dieu. Il n'y a rien que je peux faire pour que Dieu m'aime moins. Et il n'y a rien que je peux faire pour qu'il m'aime plus. Même les œuvres préparées d'avance, que je les fasse ou que je ne les fasse pas, son amour demeure et demeurera toujours. Il les a préparées avant que je comprenne la grâce de Jésus-Christ, par amour. Il m'a donné Christ par amour. Il n'y a pas de raison qu'il me l'enlèverait maintenant. Donc, je vais juste terminer avec ça. Merci énormément. J'aime beaucoup quand on peut participer comme ça. C'est une bonne participation. Je sais que peut-être certains d'entre vous auriez voulu vous exprimer, puis vous ne l'avez pas fait. Mais l'heure est venue qu'on arrête cela. Alors, vous pourrez interagir et répondre là, sur notre blog. Il est affiché ou il va être affiché derrière. Mais je peux le répéter. Hein? C'est 3674 rue Ontario-Est à .worldpress.com. Les questions vont être là. Bien, le texte que j'ai utilisé avec les fautes qui vont bien dedans vont être affichés. Et puis, le MP3, là, peu importe, là, le dialogue qu'on vient d'avoir ensemble va être là aussi. All right? Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Là, je ne sais pas, Denise, as-tu d'autres choses? Non? Ça s'arrête là? OK.